tour du monde pour investir. Et j'ai toujours mon joujou avec moi. J'ai pris la pochette couleur celtique. J'descends à Milan pour les vêtements. C'est trop bad. J'peux même pas trop parler. Mon petit cahier est sur un vrai. J'ai voulu les aider pendant trop d'années. J'voulais montagne de bif, mais c'est compliqué. Un litre de zipette vendu en flocon. Contrôlé au faciès pour mon identité. On n'est jamais corda donc ça hausse le ton. Dehors ils sont chelous, ils parlent pas quand je suis là. Quand je m'en vais ça fait les pipelets, j'vais les chela. Moi je suis toujours debout, un mental de pirate. Je me ferai pas aveugler par eux ni par la dounia. Je suis dans la mouille, ça m'appelle pas, j'ai l'habitude. Avec tout seul pour le vécu. Dans le gang, on fait partie des putes études. C'est moi la cité, personne ne m'a cité. Je suis avec la plus belle évidemment. Le sky est rempli d'étoiles, je fais l'amour. C'est trop bad, babe. Je peux même pas trop bas. Elle bouge les reins au bas. Mais je suis matrixé, je pense qu'à mailler. Ah c'est un peu trop bad. Johnny pour la qualité au malais. Et les sirènes m'empêchent de dormir. Je retiens les plaques avant de sortir. Au cas où je me fais crever, appelle mon avocat, I'm so bad. Yeah, yeah. Wake up in the morning with the money for mine. Thank God, rape up on my heart. Tough skin so I can survive. If I stop, you go kill me first. So talk to me polite. Cause boy, you cannot see my back. I dream when I sleep at night. While you got in a threesome. How many liters when I pull for my tank? Night driver, they fire my car. Night driver, they swim water. If I see you, me, I ain't go attack. Until I receive a lot. Oh, oh. So I grind, bang from the morning to the night, night, night. Oh, may God forbid. My money finish, God forbid. Oh, oh, oh. Dance for me. Sorry, we dipping for Babu. Oh, oh, oh, God forgive anything when I don't commit. Oh, keep my own for me. Anybody chop and vomit. Oh, oh, oh. Elle bouge les reins au bas. Mais je suis matrixé, je pense qu'à mailler. Ah, c'est un peu trop bas. Johnny pour la qualité au malais. Et les sirènes m'empêchent de dormir. Je retiens les plaques avant de sortir. Au cas où je me fais crever, appelle mon avocat, I'm so bad. Yeah, yeah. I grind, grind, grind, from the money to the night, night, night. Oh God